Bonsoir, bienvenue à Terre Incognita, votre émission hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, Bruno et Michel aux commandes. Et on a plein de bonnes choses, comme d'habitude, à vous faire entendre. Et on va commencer sans plus tarder avec le disque solo du claviériste de I Am The Morning. Ouais, je pense que... Il me semble que ça ressemble à ça. Là. Écoute, hey, j'ai de la misère à merler. Ça, c'est épouvantable, les amis. Donc, c'est le disque solo du claviériste Cleb Colliadine. Et il y a plusieurs invités sur ce disque-là. Donc, Gavin Harrison, Nick Peggs et Steve Hogart, qui décidément contribue à pas mal de disques par les temps qui courent. C'est une courte pièce qui s'appelle The Best of Days. On en amorce avec, Cleb Colliadine de son album éponyme à une contribution de Steve Hogart. It all worked out like I hoped it would. On the better days, who could have guessed? Here come the past. Here come the best of days. And in a while, the vacuum fills with life. We forget the storm. We forget the storm beyond our bubble. Where the sea washes up, flowers on the beach. the endless roads are flowing,

See a madman run. Across the ocean someday you might find. We're busy selling Sweden to Norwegian. Bye. sun and their warmth to strangers. Utopia opened its heart. All Earth people together. To exploit the fair land, but fell under the spell of luck. All Earth's people together we can share. CKRL 89.1. Alors que le bruit de nos talons sur le macadam trempé résonne dans la nuit de décembre, alors il faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre. Tu me dis que bientôt peut-être on va se retrouver, que bientôt peut-être tu vas revenir. Alors mon cœur s'emballe mais je garde pour moi, je me contente de sourire et de jouer avec la pierre de mon briquet. Le mois multi, salle 10, c'est un mois d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 24 jours de festivités regroupant 50 artistes de 7 pays. C'est 20 spectacles et performances hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 4 nuits endiablées à la cuisine. Prépare-toi Québec, le mois multi éveille tes sens du 2 au 25 février. moismulti.org. Peu de tam-tam pour m'introduire. On jette un coup d'œil à l'arrière. La dernière pièce, c'était Magic Bus de leur tout premier essai 2010. Donc, ça fait quand même pas loin. Ben, ça doit faire 8 ans, mais vu qu'on est au début, mettons, on dirait 7 ans et quelques mois, il y avait un autre disque qui remonte quand même assez loin, celui-là aussi. Moon Safari, A Doorway to Summer, leur tout premier essai 2005. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses, mais le premier, j'ai comme un gros faible sur ce disque. Et puis, ben, vous le savez maintenant, Moon Safari va être à Québec le 20 mai 2018. Donc, dans quelques mois, je commence à compter les dodos. C'est dans le cadre du Festival Terra Incognita au Centre d'art de la Chapelle. Les billets ont été mis en vente la semaine dernière et la même journée, mais on va avoir aussi Aero. Je vais le dire en français, ça va être parce que là, ça a l'air de Aero Speedwagon, mais c'est pas aucun rapport. Aero Station. Un nouveau groupe italien qui n'ont pas encore de disque de lancer. Je sais que c'est pas mal terminé. Mais le groupe est en attente là, d'un accord avec une maison de disques. Et ce groupe-là, formé par Alex Carpani, du Alex Carpani Band, et Gigi Cavalli-Cocchi, le batteur de Mangala Vallis, et le bassiste, le nom m'échappe, là, mais enfin, c'est un trio, un nouveau trio qui devrait lancer leur disque avant le festival. Eux vont être tout juste à la Moon Safari. Et puis, tout juste avant, on avait The 40 Days, The Color of Change, une jeune formation italienne, encore une autre, 40 Days, et on avait amorcé avec Kleb Koliadine, le claviériste du groupe I Am The Morning, qui vient de sortir son premier disque solo avec plusieurs invités, dont Steve Hogarth, d'ailleurs qu'on a pu entendre sur la pièce. Et ben on est revenu au début, là, je pense que Bruno rigole parce que là, j'en cherchais un autre. Il n'y en a pas d'autres. On est revenu au début. On s'en va faire un tour du côté de l'Italie cette fois-ci avec The Rome Prog Jet, le troisième album. J'ai pris j'ai l'impression quasiment de réciter une formule d'Harry Potter. Exigi monumentum aere. C'est le troisième volet donc de Rome Project. Encore une fois, beaucoup d'invités, dont Steve Hackett, David Cross et David Jackson, ex Van der Graaf, et Nick Magnus, qui a été longtemps le claviériste attitré de Steve Hackett. Un excellent disque. Donc, ça nous vient d'Italie, The Rome Project. Oh,

cette expédition dans les années 70 était l'œuvre du groupe brésilien Caravella Escarlate. Premier essai, donc un disque éponyme. Tout juste avant, on avait Aldo Tagliapietra, ex-chanteur de Liorme, la formation italienne. C'est un extrait de son plus récent disque solo, Invisibili Rialta. Et puis, on avait donné le coup d'envoi avec The Rome Project, le troisième disque du groupe, en fait, qui est plus un projet d'un seul musicien qui invite plein de gens, dont Steve Hackett, excusez du peu, mais c'est ce qu'il fait depuis le début. Et donc, je peux répéter le titre, c'est en latin, et donc excusez à ceux qui sont encore capables de savoir si je prononce bien ou pas. Exigi monumentum aere perennius. Donc, le troisième volet de The Rome Project. Cette fois-ci, bon, c'est sûr, Bruno, mais ils vont me faire signe. Il y a évidemment quelques publicités qui s'en viennent. Mais après ces pubs, on va avoir un extrait du nouveau Galahad, Seas of Change, et bien d'autres choses. Il nous reste encore une heure ensemble. Et puis, Bruno, est-ce que je peux... Ah oui! OK, alors, merci. Je peux continuer. On va avoir, entre autres, un extrait du mini-LP de Björn Riss, le guitariste de Airbag. Ça s'appelle Coming Home. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? The Fears and the Debt. Gösta Berling Saga. Et puis, je pense que... on va se rendre pas mal loin avec ça. Donc... On y va avec les pubs et après ça, ben, c'est Galahad Seas of Change. Vous écoutez CKRL 89.1. Tu penses que tout est fini, mais te voilà reparti, comme ça sans préavis. Des jours et des nuits, tu verras. L'amour, ça s'apprend pas par cœur. Ça change sans cesse de couleur. L'amour, ça s'apprend pas par cœur. Ça change sans cesse de douceur. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Tearing themselves apart on Thank you. place, trust and faith in him. Your path leads to sin, to Satan and his kin. We know it's true, you know it's true. It's gonna grace you by the day. How long can I go on this way? Oh, but where do I go? Please tell me where to go. His will transcends your mind, and to prove that we're right, we're willing to fight. You know it's true, we know it's true. Still getting crazier by the day. How long can it go on this way? I would see this ending war. Faith in this nation is decreasing more and more. We deep fighting, seal up in the battle of the roles. How long can I tag on that door? Can't wait for that. Wait for that. If I'm coming home to you, would you open up the door? When I'm coming home to you, would you take me in your arms? I've been away too long, far away. But I'm coming home. I'm coming home to you. and high fly. We stand on the shoreline, waiting for the end. Just a dream. Québec. CKRL 89.1, Québec. Retour. Donc, ce qui vient de jouer, c'était Stars About. Ça nous vient de Pologne. Et l'album a pour titre Half Lights. Et la pièce, c'était Half Light. Il y a, c'est parce qu'il n'y a pas de S sur le titre de la pièce. On avait aussi Bjorn Riss, le guitariste de Airbag. C'est un mini LP. Un mini LP. Enfin, un mini album, on va dire ça comme ça. Je sais pas si ça va sortir en vinyle. C'est qu'on va dire que c'est un mini album pour titre Coming Home. 5 pièces, dont une version semi-acoustique de Lullabies in the Car Crash, d'un disque précédent. Et encore en Norvège, Sonic Sight de l'album Anthropologie. C'était la pièce War and Game. Et c'était, comme coup d'envoi, Galahad de leur nouveau, je pense qu'il est, je suis pas sûr 100%, mais il est sur le point où il est sorti. Seas of Change, c'était la pièce Smoke. On va aller faire un tour du côté de l'Italie avec une formation que je ne connaissais pas jusqu'à tout récemment, qui a pour nom Humus Fuga. Je ne peux pas vous dire grand-chose. J'ai découvert ça comme vraiment sur... On parle peut-être de 2 jours. Donc, on va écouter ça ensemble. Humus Fuga. Et puis, bon, on a bien d'autres choses encore pour la dernière demi-heure. Restez des nôtres. Après ça, c'est l'autoroute.

The old church doors were open. She walked in stone alone, standing by the altar. She checked her mobile phone. Her parents lived together. They often passed away. They left her with their vinyl. She played albums every day. She looked up at an icon, a young man on a cross. He looked just like Bruce Springsteen. He could have been the boss. Her windows in the chapel were some kind of a rose. The ancient smell of incense was getting up her nose. She walked off down the old canal, tracing footprints of the dead. What the hell is Jesus? The graffiti slogan read. She found a junk shop bargain, competitively priced. He told her they were kosher. The nails on the hand of Christ. We all disguise the truth. She hunted high and low to find her precious nails. Her guilt lives on within our soul when everything else pales. She's out of all the many things her parents sacrificed. In her heart she holds her treasure, the nails from the hands of Christ. Seulement par la voix, je pense qu'on peut tout de suite dire que c'est The Strubs, de leur plus récent The Ferryman Curse. Avant, on avait Magic Bus de leur second album Transmission from Sodmore's Garden. Moon Safari avant, avec Aim Labakan.